donne une jolie couleur miel. Je cligne des yeux par les orteils. Je suis vraiment pas fait pareil. Je t-shirt par les cheveux et je paille avec mes yeux. Je mange par les aisselles, flappe à l'odeur de la vaisselle. Barbe sur le front, un pancréas sur le menton. Sur les cils des gros boutons, je suis un vrai ladron. Je réfléchis avec mes dents, j'ai de l'acide dans le sang. Sur mes pieds je mets des gants, je suis quelqu'un de consternant. Et je tousse, tousse, tousse. Et je tousse dans ton nez. Et tu te mouches, mouches, mouches. Et tu te mouches avec. Les gens me trouvent parfois bizarre, avec ma tête de canard, mon plumage de léopard et mon nez en forme d'entonnoir. J'fais pas pareil que les gens, alors ils me prennent pour un méchant. Avec mon physique de gros lard, je voudrais bien vous y voir. Mais je le dis quand même bien, je suis unique, ce n'est pas rien. Et avec mon jumeau Bastien, on chante ensemble. Et je tousse dans ton nez. Et tu te mouches, mouches, mouches. Et tu te mouches avec mes pieds. Et je tousse, tousse, tousse. Et je tousse dans ton nez. Et tu te mouches, mouches, mouches. Et tu te mouches avec mes pieds. Avec mes pieds. Et je tousse, tousse, tousse. Et je tousse dans ton lit.